bienvenue sur Comic Stories pour le 311e épisode de notre podcast. Un épisode durant lequel je serai accompagné de plusieurs personnes, ce n'est plus très habituel. Nous avons avec nous Anthony, bonjour. Clément, bonjour. Et Boris. Bonjour. J'ai complètement bafoué l'ordre alphabétique. Ah bravo. Quelle honte. Un scandale. Quelle honte. Ça commence bien. Ouais, allez, on va essayer de faire du coup dans l'ordre, j'ai juste à lire un conducteur, ça devrait aller je pense. On va commencer par les comics VF, puis les adaptations, et enfin les comics VO, histoire de ne pas spoiler les lecteurs VF. Sachant que du côté de la VF, ça va être assez léger niveau chronique. On commence avec quelques news, Boris, que tu nous as comme d'habitude dégoté, et on va commencer par du Brubaker. Voilà. Alors, quelques news, effectivement. Alors, il y a du très frais et du beaucoup moins frais. Donc bon, c'est les petits trucs que j'ai notés. Alors oui, du Brubaker, parce qu'on attendait le retour de Brubaker Phillips chez Delcourt depuis longtemps, parce qu'il sortait pas mal de trucs en VO, mais en VF, ça n'arrivait pas beaucoup. Et là, il va y avoir une salve impressionnante. Donc Pulp est sorti il y a quelques semaines. Là, il va y avoir le tome de Criminal, donc la dernière série en date. Alors, il y avait un tout petit arc qui était sorti, un arc en deux, qui s'appelait Sale Weekend l'année dernière. Mais le gros morceau de la série, donc ça doit faire une dizaine d'épisodes, n'était toujours pas sorti. Et donc, ça va sortir en juin, je crois. Et puis, à l'automne, il va y avoir une intégrale Velvet, qui était sortie en trois volumes. Donc, c'est avec Steve Etting. Et puis le premier volume de Reckless, dont j'ai parlé à l'écrit sur le site, début d'une trilogie. Donc en VO, il y a deux tomes qui sont sortis. Là, le deuxième tome est tout frais. Et là, c'est le premier tome qui va sortir. Donc ça sort un an après, un peu moins d'un an après. Et donc voilà, en l'espace de 3 ou 4 mois, il va y avoir plusieurs titres. Et pour l'instant, enfin moi je lis tout, il n'y a que du bon, voire du chef-d'œuvre pour Pulp. Franchement, si... Si vous n'avez pas touché, allez-y. C'est vraiment du très très bon. Donc voilà, le duo Brubaker Phillips fait son retour chez Delcourt. Et puisqu'on parle de ce duo, alors il restera sans doute seulement quelques heures au moment où le podcast sera diffusé, mais tu peux peut-être dire un mot sur ce qui est en cours. Oui, voilà. Oui, en fonction de la sortie du podcast, ce sera bon, allez. Bon, alors il restera quelques heures, il vous reste quelques heures pour tenter de gagner la box Pulp, parce que cette fois-ci, il n'y a pas juste le livre, hein. Il y a carrément la box. Donc, avec le comic, un marque-page, des faux billets de banque à l'effigie du héros, on va dire, et puis un petit livret promotionnel où justement est bien mieux résumé par écrit tout ce que je viens de dire à l'oral. Donc ça c'est à gagner voilà, jusqu'à mercredi soir oui. 25 je crois, 26 mercredi 26. 26 mai, voilà, donc allez-y, 3 box à gagner, donc il faut en profiter, c'est quand même un beau cadeau. Ouais, merci plus, à Delcourt pour ce voilà, chouette partenariat. Tout à fait, c'est vrai qu'ils participent facilement à des concours et ça on les remercie, c'est vraiment sympa. Et puis la BD Pulp c'est vraiment excellent, donc ne pas hésiter à participer, exactement. Voilà. Il vous reste quelques heures parce que ce podcast sortira au plus tard mercredi matin, normalement, ça devrait passer. Soyez rapide. On continue avec un de mes chouchous en VO qui arrive enfin en VF. Oui, alors Wind, dont le premier arc était en 5 parties, c'est ouais. Ça, hein, à l'automne dernier en VO, donc on avait beaucoup aimé tous les deux. Un titre un peu univers fantasy sur la tolérance, un titre tout public on va dire quand même, et donc qui sort chez Urban Comics. Alors c'est peut-être pour ça justement, parce que c'est tout public, que ça sort dans ce format, c'est dans le format Urban Link qu'on adore tant, mm-hmm. par la petitesse de ces images. Et bon, le format est sympa en lui-même, le format souple, ça a un côté sympa effectivement. Mais alors bon, c'est un petit format sur certaines éditions moi, que j'avais acheté, notamment le Wonder Woman que j'ai pas fini parce que j'arrivais pas à lire ce qui était écrit en gros, hein, c'était tellement, tellement petit. Et puis ça met pas en valeur les planches quoi, des auteurs, alors que Wind, il y a une vraie patte de Michael Dialinas, ouais. un vrai dessin, quelque chose qui mériterait on va dire un grand format. Et là, bon, bah, ça sort dans ce format, alors je pense qu'ils veulent toucher... plus de jeunes avec ce format, mais bon, c'est un petit peu dommage quoi. Ça met pas en valeur les planches. Alors que bon, bah, la BD, c'est quand même c'est une histoire, mais c'est aussi avant tout une partie graphique. Donc voilà, ça réduit un petit peu cet impact et bon, c'est un peu dommage, mais bon, ça va sortir. Donc déjà, ouais. C'est déjà bien, mais bon, puis c'est une histoire sympa. Hein, franchement, il faut y aller. Puis là, il y a le nouvel arc qui commence en VO. Que tu as lu, je crois, le début. Oui, bien sûr. Moi, j'ai évidemment. Pas lu encore, mais ça devrait être sympa. Pour rebondir sur le format, et je profite du fait d'être revendeur de comics, quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant mon carton Diamond de découvrir que même en VO, les reliés sont en petit format comme Urban Link. Et bah, c'est assez moche. C'est assez moche. Même le hardcover du premier arc de Wind est en format Urban Link, donc bah, bien plus petit qu'un TPB. Et effectivement, je trouve que ça ne rend pas trop justice à Michael Gallinas. Je serais curieux de savoir ce qu'en pensent les artistes de ces formats, étant donné qu'ils existent aussi en VO apparemment. Oui, c'est curieux, surtout que c'est chez Boom, donc je n'ai pas le souvenir qu'ils avaient cette habitude. Alors peut-être qu'ils ont dit, tiens, ils se sont dit c'est une bonne idée. De l'œuf ou de la poule, je ne sais pas, mais voilà. Bah, ouais, c'est pas forcément une bonne inspiration. Je ne sais pas qui a inspiré l'autre, mais voilà. Ouais, donc à part la lecture single, pour avoir des planches classiques, on va dire. Ce sera du petit format, c'est un peu bête. Ouais. Il y a bien 3-4 cm de moins sur rapport à en hauteur hein, par rapport à un TP classique. Donc ça joue beaucoup sur le dessin. Hellblazer Rise and Fall, c'était pas mal ça aussi. Oui, c'est du Tom Taylor et du Derek Robertson. Donc c'était en 3 parties, si je me souviens bien. Là aussi, on va peut-être, je sais pas, enfin, on verra, j'ai pas vu le format, je sais pas quel est le format qui va être annoncé, mais en VO, c'était les grands formats du Black Label. Et là, les planches méritaient ce grand format, parce que Derek Robertson était en grande forme. Donc c'est une mini-série vraiment très sympa de Tom Taylor. On retrouve sa patte, mélange d'humour, d'action, et je pense que le personnage lui va bien. Donc je conseille cette mini-série qui sortira en septembre chez Urban. Et je pense qu'il est bon. Ouais. Et pour compléter, puisque Hellblazer semble avoir désormais une bonne fanbase en français, hein. Puisqu'ils ont sorti quand même une sacrée collection de runs diverses sous diverses scénaristes. Et là, c'est Simon Spurrier, donc le dernier en date, hein, qui va avoir le droit à sa belle intégrale, puisque je crois que ce sera qu'en un seul tome, de ce qu'il a fait à la fois sur... alors, c'était Sandman, c'est ça ? Je ne sais plus, il y a une partie introductive, et puis après, il y a la série sur Hellblazer, qui vont être réunies. Donc là aussi, Simon Spurrier plus Hellblazer. Dans le nouveau Sandman Prison, le nouvel. Oui, voilà. Oui, okay. Ouais, voilà, il y avait cette introduction-là, a priori, qui est prévue au menu de cette intégrale. Okay. Donc bah, là aussi, je ne l'ai pas lu, mais tout concorde à ce que je sois tenté. Ouais. Ensuite, Beta Rebill, qui en est à son troisième, ou non, le troisième sort cette semaine, de Daniel Warren Johnson. Et Mike Spicer, qui va sortir dès octobre chez Panini, directement en format Deluxe. Alors, ça, c'est surprenant. Là, je crois que c'est assez récent, mais c'est pas la première fois. Je voyais quelques séries comme ça qui sortent directement en Deluxe. Je sais pas pourquoi. Peut-être le format, là, peut-être qu'ils mettent en valeur le dessin de l'artiste. Peut-être. Donc, bon, bonne nouvelle. C'est vrai que pour pas mal de séries, là, ils sont assez rapprochés par rapport à la VO. Hein. Il suffirait qu'il y ait un petit décalage et puis ça serait raté pour la VF, mais bon là ça a l'air parti. Je crois que c'était une mini en 5. Donc je sais plus, c'est 4 ou 5, mais je crois que c'est 5. Donc ça arrive dès octobre. Donc là, bon, pour l'instant j'ai lu les deux premiers. C'est aussi du très bon Daniel Warren Johnson qui s'approprie bien le personnage. Donc si ça continue sur cette lancée, ce sera un indispensable, clairement. Après, j'avais noté comme alors c'est plus vraiment une news parce que je crois que c'est déjà sorti. Je sais plus. C'est sorti depuis les Marvel déjà, Dark, la collection Carrefour, mais on peut en parler à 2,99. Alors, je n'ai pas de magasin Carrefour hein, près de chez moi, donc je ne sais pas quelle est la qualité des livres. Je les ai vus et franchement, pour 2,99€, c'est plus qu'acceptable. Hein. C'est comme en fait ce qu'ils ont fait. Là, ça doit faire 2-3 ans qu'ils font cette collection là. Et c'était de la qualité pour. Enfin, j'allais dire pour ce prix, mais en réalité, même pas. Parce qu'en fait, un machin comme ça qui vaut 2,99€, c'est enfermant, c'est donné. Enfin, tu sors avec 10 bouquins qui font, je crois, dans les 240 pages, pour même pas. Enfin, pour 30€. Sincèrement, tu peux pas faire mieux. Et c'est. Ouais, non, c'est vraiment. En termes de rapport qualité-prix, je pense que tu peux difficilement faire mieux. Pour te donner une idée, Boris, toi qui les as jamais vus, je sais que tu en as chez toi, des TP TKO. Tu vois un peu ça en taille, C'est aussi grand que ça. C'est un peu agrandi. Imagine un TPTKO avec une couverture un peu plus épaisse, plus rigide, qui sont quand même le point faible de chez TKO. Voilà, c'est à peu près ça. Donc moi, on me vendrait ce genre de volume pour 10 balles. Voilà, je trouvais même pas ça déconnant à ce prix-là. Ouais. Et donc pour à peine 3 euros, évidemment, les fans de comics ou ceux qui voudraient découvrir à moindre coût des histoires, en plus, certaines histoires sont très sympas. Il y a le Daredevil Redemption, par exemple. Éditorialement, c'est bien fait parce qu'il généralement, je les ai achetés ceux-là, mais j'ai pas encore du tout eu le temps de les lire. Mais généralement, ils te resituent, ils te font un développé du personnage et tout ça, et ils te resituent l'histoire. Ils avaient fait ça aussi, c'était la même collection avec Star Wars, sur les comics Star Wars, et ultra bien foutu, puisqu'ils te, ils te resituaient vraiment le truc dans le contexte, quelle année. Vraiment, il y a un bon travail éditorial de fait sur cette collection, donc c'est franchement pas mal. Après, c'est un prix temporaire. Je ne sais plus jusqu'à quand le prix de 2,99 dure, et après, je crois qu'il doit retourner à un prix, on va dire, alors pas raisonnable, mais on va dire normal, un peu plus normal pour un tel ouvrage qui doit être dans un peu moins de 10 euros, je crois. Moi, personnellement, une offre de lancement. Depuis toutes les années qu'ils font cette offre, c'est toujours une offre de lancement et j'ai jamais vu le prix définitif arriver. Il est indiqué en fait. Après, je sais pas si en réalité il l'applique. Non. Mais en tout cas, le prix définitif normalement doit apparaître courant juillet, une connerie comme ça. Et comme il y en aura. Mais je suis d'accord avec toi. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est de toute manière, ces trucs-là, t'as plus intérêt à les acheter le premier jour parce que clairement, c'était le meilleur moyen pour. Rendre accessible les comics. C'est la preuve, puisque même si c'est un peu plus cher, Urban fait la même chose depuis un an. Ils le refont, là, je crois, avec leur collection d'été. Je me demande si c'est pas sorti déjà. Et même Panini s'y est mis, avec la collection Marvel, avec du Daredevil bleu, Daredevil jaune, Spider-Man bleu. Où là, la qualité est un peu plus supérieure, mais pour le prix, ça vaut le coup aussi, quoi. Donc, c'est top, quoi. Faut foncer. Enfin, moi, je fonce toujours sur ces occasions-là au détriment de ma bibliothèque. Mais c'est franchement, rapport qualité-prix, c'est excellent. Et les pages, je sais pas trop c'est quoi comme page. C'est granulé. Je sais pas comment ça s'appelle ce type de page. Mais ça se lit nickel, quoi. Dans une bibliothèque, ça rend quand même vachement bien. Voilà. Quand j'entends Clément parler de ça, j'ai envie de dire que pour à peine 3 euros, tu as le travail éditorial que tu n'as pas pour 10 euros dans les mensuels. C'est pas faux. C'est pas faux. Et pourtant, c'est Panini, je crois que c'est un partenariat pourtant avec Panini Comics. Ouais, si Panini, je me trompe pas. Tout ça, ouais. Ouais. Mode langue de vipère off. On peut repasser au cours habituel des choses et parler d'une très bonne nouvelle, même si là aussi, elle date de quelques semaines. Ça fait toujours du bien d'en parler. Oui, on en avait parlé la dernière fois, puisque c'était quasiment fait. Et là, maintenant c'est terminé, le financement de Giant Days, la suite, des intégrales donc 4 et 5. Ouais. Donc ça n'a pas été un carton immense, mais ça suffit pour que ça soit financé. Donc c'est cool, nous on adore. Donc on va recevoir nos petits tomes VF. Quelques bonus débloqués également. Voilà, petits bonus. Alors j'ai pas bien compris, est-ce que ça va sortir aussi en librairie ou pas? Je sais par la suite, pas trop. Peut-être, je ne sais pas. En doute. Je ne sais pas. Ils ont peut-être calculé leur truc quand même. Oui. Donc, je pense donc que le financement participatif leur permet d'imprimer ce qu'ils auraient imprimé en temps normal, mais que du coup, c'est déjà, entre guillemets, rentabilisé pour eux et ils prennent pas de risque. Ouais. Les trucs n'étaient pas imprimés, ils ne les auraient pas imprimés si la campagne n'avait pas fonctionné. Donc cette campagne a permis de financer à la fois les bouquins pour les contributeurs, mais aussi, je pense, pour qu'ils puissent apparaître en librairie, ce qui n'aurait pas été le cas sinon. Ouais, donc c'est cool. Et puis on peut espérer donc que les deux derniers tomes, puisque c'est en 14 tomes en VO, je crois. Donc il manquerait plus que deux tomes en VF, deux intégrales. Une prochaine donc, campagne en fin d'année. Je pense que l'année prochaine, oui, voilà, fin d'année ou début 2022, on devrait avoir à la fin, ce qui est une très bonne nouvelle, en espérant que le public s'y penche un petit peu plus, puisque voilà, il faut passer par ce financement participatif pour arriver à l'avoir. Tant que je les ai, c'est pas grave, c'est la dernière série que je lis en VF, je crois. Donc. Faut penser aux autres, faut penser aux autres aussi. Donc voilà, c'est pas grave, je les veux, moi c'est tout. Voilà, puisqu'on parle de financement et de difficultés, je rajouterai un petit truc que j'ai vu passer là cette semaine. J'ai vu une vidéo de Sullivan Rose de oui. iComics qui présentait The Plot, la nouvelle série indé qui sort là, et qui faisait un petit bilan de Shanghai Red qui est sorti il y a un peu plus d'un mois là, et qui disait que le débarrage était catastrophique. Il parlait de 300 tomes vendus, pas plus, un truc oui. comme ça. Et il avait l'air assez un peu dépité, et ça se retrouve un petit peu aussi avec Nicolas Beaujean, c'est l'éditeur en chef de 404 Comics là, qui vient de se lancer et qui parlait des chiffres de vente. Et visiblement, les ventes globales des comics sont quand même en baisse et l'indé morfle terriblement. Donc voilà, je lance un petit appel. Nous qui promouvons l'indé quand même régulièrement, c'est quand même l'essentiel de nos lectures. Voilà, soutenons un petit peu les lecteurs BF. Ces titres qui d'ailleurs sont bons, hein, on n'en parlerait pas et on ne les soutiendrait pas s'ils n'étaient pas bons, mais c'est des bons titres. Et là, il y a un petit coup de mouche, je crois, pour le comics en général et pour l'indé principalement. Alors évidemment, quand il y a un coup de mou, les Big Two s'en sortent un peu mieux. Voilà, parce que si ça marche pas trop, s'il y a de moins en moins de ventes, on aura de moins en moins de variétés et de possibilités de lire en VF. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc espérons que ça remonte. Voilà, c'était le petit mot bonus. J'en ai fini avec ces news. Tu as bien raison de le faire. On va parler d'adaptation maintenant, avant de parler de comics en VO, puisqu'on a deux fervents consommateurs d'adaptation aujourd'hui. On va en profiter, Anthony et Clément. Ne parlez pas de moi, ah mince. Oh bah non, et puis moi, moi un peu moins, à part une des deux que j'ai commencé et pas fini, voilà. On va parler tout d'abord de Zack Snyder's Justice League, donc le fameux Snyder Cut, qui est sorti depuis un petit moment déjà, mais que je sais, Anthony a vu, je suis presque sûr que Clément l'a vu également. Oui, donc on va commencer par Anthony qui va pouvoir s'exprimer et puis laisser en discuter ensemble pendant quelques minutes histoire de partager un peu vos avis et de voir si l'attente a valu le coup ou pas, même si j'ai l'impression que vous allez dire que oui. Voilà. Anthony, oui. Vas-y. On m'entend ? Est-ce oui, qu'on on t'entend, déjà on t'entend, ça va. Ok. Donc effectivement, Zack Snyder Justice League c'est sorti là en 2021. La première version, puisqu'en fait, si on refait un petit peu d'historique, on va pas tout repasser, d'autres l'ont fait beaucoup mieux que nous. En gros, c'est la version définitive du film, telle qu'elle aurait dû sortir en 2017, là où, toujours en 2017, suite à des soucis personnels qu'avait rencontré Zack Snyder et aux déficiences de production, c'était Josh Whedon qui avait terminé le projet et sorti sa version en 2017, version qui était donc la suite direct de BVS Wonder Woman et qui devait être la rampe de lancement des fins DCEU. Bon. Aujourd'hui, c'est vrai que le Zack Snyder Justice League, c'est un peu particulier parce que c'est en fait le même film à quelque chose près, surtout à 2 heures près que la version 2017. Il arrive 4 ans après des films qu'il aurait dû introduire, notamment Aquaman. Donc rien que pour le statut du film, pour se faire une petite idée de ce que peut être un projet pareil, je pense que ça mérite d'être vu. Ça mérite d'être vu aussi si tu as 4 heures devant toi, parce que ça dure 4 heures. Et on se rend compte qu'en fait, avec un tel scénario... Alors le scénario reste le même que la version de 2017, c'est-à-dire que c'est toujours cette histoire de chasse à l'artefact par un gros méchant avec des cornes. Donc si ça vous avait déjà pas plu dans la version de Whedon, ça vous plaira pas maintenant. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que cette traque des 3 objets, au moins elle est compréhensible. On voit parfaitement les légions de Steppenwolf, parce que pour refaire un tour sur le scénario, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est l'histoire d'une Justice League qui va se mettre en place pour faire face au lieutenant de Darkseid, l'équivalent plus ou moins, pour résumer, de Thanos chez DC, qui cherche 3 boîtes pour trouver une sorte d'artefact magique et pour en fait conquérir la Terre suite à une défaite qui avait eu lieu dans les âges antiques de l'histoire humaine. Bon, ça change pas, c'est toujours le même scénario. Sauf que là où dans la version de 2017 ça a duré moins de 2 heures, où il fallait raconter cette traque, introduire de nouveaux personnages, ramener celui qui à l'époque était encore mort, à savoir Superman, confirmer la présence des anciens personnages, du moins les plus anciens, en 2 heures c'était impossible. Là en 4, tout ça fonctionne, c'est-à-dire qu'Aquaman, bon, à rebours, est bien introduit, Maintenant, ça aide puisqu'on a vu le film avant, donc la version de Zack Snyder est encore plus fluide, mais ça marche. Flash, on comprend pourquoi il est là. Batman et Wonder Woman, pareil, confirment bien leur rôle de tête pensante de cette nouvelle ligue. Et le retour de Superman est peut-être celui qui est le moins changé à une scène de costume près et pas dégueulasse, qui est un rappel à son Man of Steel, le Man of Steel de Zack Snyder. À part dire ça, objectivement, le film reste plus savoureux, mais ça reste en fait le même. On se rend compte que Zack Snyder n'a pas pu, dans cette version définitive, faire des merveilles. Il amène sa patte, certains diront ses réussites, d'autres ses troubles de cinéma, hors des plans ralentis, beaucoup d'effets visuels, une certaine mise en avant des corps humains, féminins comme masculins. Donc tout ce qui fait Zack Snyder est là. Si vous n'aimez pas, vous n'aimerez pas. Il n'y a pas de raison. Et on a effectivement, peut-être le point le plus important, c'est qu'on n'aura jamais la suite, puisque ce film est en fait un morceau d'une pierre plus grande qu'on n'aura jamais définitivement. C'est peut-être ça le plus dommage ou le plus beau. Mais par contre, le film a quand même pour lui certaines scènes fortes que la version de 2017 n'avait pas, notamment une scène de gargouille avec Batman avec un éclair derrière, plutôt cool. Certaines scènes avec Flash sont très très cool et raccrochent bien avec une identité comics pas dégueulasse. Certains choix de couleurs ou autres sont bien différents de la version 2017 et Zack Snyder avait les bonnes idées. Le combat de fin est plus intéressant parce que plus long. On vire cette famille russe qui était vraiment incompréhensible dans la version de Whedon et on reste sur ce combat héros paradémon de Steppenwolf à la fin qui est plus, en un sens, plus cohérent, plus fondé. Donc le film se tient mieux, il est plus long, le film est plus solide, plus dense, plus stable, mais avec le même scénario. Je sais pas ce que t'en as pensé, Clément. J'étais un peu plus optimiste. J'avais vraiment beaucoup aimé la version de Snyder. Après, je suis d'accord avec toi. Effectivement, la version de Zack Snyder, grosso modo, le film va du point A au point B. C'est exactement le point A est exactement la même chose que le point B. Ce qui change vraiment énormément, ça reste l'exécution. Bon, déjà, on double la durée du film, donc ça aide beaucoup. Et Snyder, en fait, inclut beaucoup plus d'éléments de la mythologie de DC Comics. Et je trouve que c'est en cela que la version de Zack Snyder est géniale. C'est que il prend le temps d'installer les choses, il prend le temps de poser l'univers. Et est-ce qu'on peut spoiler ou pas? Moi, je suis pas contre, parce qu'à titre personnel, je m'en fous. Mais après, je comprendrais que des personnes soient dérangées de spoiler. Donc, À partir de là, voilà, on peut dire qu'on spoil certaines scènes ou certains morceaux de scénario. Ok. Les spoilers commencent. Disons qu'en fait, ce qu'il y a de plus intéressant dans la version Snyder, c'est toute la trame autour de Steppenwolf et, par extension, autour de Darkseid. Parce qu'en fait, l'intérêt de cette version-là, c'est bien l'introduction réellement de Darkseid, des légions de Darkseid, d'Apocalypse, comment elle s'appelle, Grimy, là, la mamie, enfin j'ai un trou de mémoire, et des fades. Et l'intérêt, et alors il y a ça, c'est l'intérêt, c'est tout cela, et franchement, en tant que fan de l'univers de DC Comics, c'est ultra plaisant à voir parce qu'on attendait que ça, surtout qu'on avait eu un tas de rumeurs comme quoi en réalité c'était vraiment Darkseid, la toile de fond. Et donc il y a cet élément, et aussi le climax de fin qui n'a strictement rien à voir avec, avec la version daubesque de Whedon. Et ça pose, donc non seulement ça pose les bases encore plus pour ce qui aurait dû être en fait la suite de ce qui aurait dû être cette trilogie, et ça pose encore plus, je pense, les bases du personnage de Flash et notamment du film. Enfin, ça devait poser du moins les bases du film de Flash. Moi, je trouve que le climax de fin avec Flash est une des meilleures scènes du film. Quand il remonte dans le temps, quoi. Et aidé en plus de ça par la musique de Junkie XXL, je crois. Juste un XXL, j'ai un trou de mémoire sur le nom du compositeur. Vraiment aidé par la composition, la bande originale, parce que là encore, faut quand même souligner aussi que non seulement c'est une version de Snyder, mais en plus de ça, la BO n'a rien à voir. on est dans la continuité de Man of Steel et de Batman vs Superman. Donc, dans la continuité de Man of Steel, parce qu'on retrouve vraiment des thèmes emblématiques. Et moi, je sais qu'il y a un thème que j'adore dans cette BO de Justice League quand Superman revient en fait face à Steppenwolf, où je trouve en fait qu'il y a ce moment qui est réellement épique. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, qui m'a vraiment mis des frissons. Et donc, en fait, c'est vraiment l'exécution qui change. Mais clairement, effectivement, si on n'aime pas le cinéma de Snyder, ça va nous gonfler parce que c'est clair et net qu'il abuse franchement des fois des ralentis. Mais hormis ça, tu sens que le mec aime l'univers de DC Comics. Tu sens que le mec aurait voulu faire ce film. Et tu ne peux te dire qu'il y a quand même eu un gâchis. Après, clairement, le film n'aurait jamais pu être de 4 heures en version cinéma. T'as sans doute des points que tu pouvais réduire, mais t'as un tas de choses et rien que de voir en fait. Et c'est ultra frustrant d'ailleurs, c'est que tu vois ce qui aurait pu s'annoncer comme la suite, parce que quand je te dis qu'il y a toute cette mythologie autour de Darkseid qui est installée, bon, t'as un moment dans le film, en fait, Cyborg d'ailleurs, faut le mentionner, qui est central dans le film, contrairement à la version de Whedon, mais vraiment, c'est flagrant. Et Cyborg a à un moment une vision et tu vois ce qu'en fait ce qu'il aurait pu advenir, et donc t'as plein de références, tu vois bien, enfin ils évoquent clairement l'équation anti-vie, tu vois qu'il y a les rayons oméga, enfin tu vois plein de trucs que les fans pour qui ça, j'arrive pas à formuler, enfin que les fans forcément vont adorer, et c'est là où en fait ça change vraiment la donne. Bon, et tu vois évidemment le fameux Martian Manhunter qui est pas dégueulasse je trouve. Donc vraiment cette version est vraiment bien, sans doute trop longue, même si l'avantage des 4 heures c'est que ça prend le temps de poser les choses, c'est chapitré aussi. Est-ce que c'est indispensable? Non, mais voilà, c'est chapitré, donc c'est, pour une durée de 4 heures c'est plutôt pas mal. Après ça a ses défauts, évidemment le film a ses défauts, mais tu comprends beaucoup plus de choses même avec Flash. Tu vois bien que Wonder Woman et Batman ont été massacrés dans la version de Whedon, où ça a totalement été réécrit. Le personnage de Superman, enfin même les dialogues en fait, il y avait des dialogues entre Superman et Lois qui étaient bien plus, ridicules dans la version de Whedon, là qui sont beaucoup mieux. Enfin vraiment, c'est Snyder avait une vision. Sa Justice League est cohérente avec sa vision et avec ce qu'il a introduit à partir de Man of Steel, et c'était, enfin, il avait clairement, je sais pas ce que t'en penses Anthony, mais pour moi il avait clairement tout pensé depuis le départ. De toute façon, qu'on n'aura jamais la fin, difficile. Par contre, c'est vrai que dans cette idée de Man of Steel BVS Justice League, Zack Snyder Justice League, ça se tient à peu près. À ce que tu disais, je rajouterais deux remarques. Je dirais que en fait, effectivement 4 heures aujourd'hui ça peut paraître long. Alors je dirais que bon, Le Retour du Roi fait 4h23 et c'est le meilleur film de tous les temps. Bon, notre problème. En fait, je pense que ça peut pas faire moins de 4 heures. Ah ouais, c'est délicat. Il y a trois nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus avant. Ils doivent exister parce qu'on devait les retrouver par la suite. Donc il faut qu'ils existent. Il faut quand même mettre en place ces trois boîtes. On aurait pu en faire qu'une, c'était plus court, mais il en faut trois. Il faut en même temps faire du Darkseid et tu peux pas faire comme en face, faire une scène post-générique. Donc il faut qu'ils soient dans le film sur la durée effectivement. Il faut ramener un personnage mort. Je pense qu'en fait le film peut pas faire moins de 4 heures. Non. Tu dis que c'est un vrai film de Snyder, ça je suis complètement d'accord. Par contre, ça reste un film où Wonder Woman elle envoie exploser des mecs sur des murs qui éclatent dans des mares de sang. Ça reste Wonder Woman qui décapite Steppenwolf à la fin. Ça reste Superman qui découpe le visage de Steppenwolf au laser. Oui. Matraque à coup de poing alors qu'il est au sol. Donc, est-ce que c'est ce que doit être le super-héros ou pas? J'en sais rien, mais ça reste le super-héros par Snyder. Donc, si vous n'aviez pas aimé Superman qui sort le coup de Zod, si vous n'aviez pas aimé Batman qui est dans le réservoir du mec, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Disons que c'est dans cette continuité-là. Et ça reste. En fait, moi, je pense qu'il faudrait que Snyder fasse un film de péplum. En fait. Il faut qu'il se débarrasse de cet héritage beaucoup trop virulent du super-héros qui électrise beaucoup trop les gens, à savoir ceux qui sont contre, et tu fais un film de péplum parce que dès qu'il se renseigne des plans larges avec des Amazones, avec des flèches à dos de cheval, ça marche à mort. Ça marche à mort. Avec la musique, les chœurs féminins et tout, je trouve que là, c'est des super scènes. Et en fait, je me dis que 300, c'est pas un bon... Enfin, c'est un bon film, mais c'est pas pour rien, je trouve. Maintenant, ouais, il faut 4 heures pour le film. T'as raison. Certaines scènes de flash, elles sont excellentes. Ah ouais, ouais. Et juste un exemple comme quoi, preuve que la Warner et Whedon avaient massacré, je sais pas si vous vous souvenez, pour la troisième Mother Box, où dans la version de Whedon, en gros... après qu'il soit castagné avec avec Superman, donc il y avait, c'est la scène là où on est sur l'espèce de place, Batman, où il y a Batman, Aquaman, Wonder Woman et Cyborg. Une fois qu'il se passe ça, bon bah tu vois le faisceau lumineux et tu comprends dans la version de Whedon que Steppenwolf a mis la main sur la Mother Box. Et franchement, quand tu vois ça au cinéma, tu te dis mais c'est une blague. Oui, la boîte tombée derrière, il l'oubliait. C'est ça. La boîte tombait sur une bagnole et puis voilà, le mec avait chopé. Et en fait, dans la version de Snyder, c'est l'exécution est tout autre et ça permet notamment d'aboutir au climax de fin de façon beaucoup plus cohérente, aussi beaucoup plus dramatique. Donc, je trouve aussi que Zack Snyder Justice League, c'est aussi l'exemple de comment un studio sous le nom de la rentabilité, qui peut imposer une durée d'un film parce que ça va leur faire plus de séances, donc plus de fric, parvient à te massacrer la vision d'un réalisateur, d'un auteur. C'est un exemple, vraiment, c'est un exemple typique. Et là, d'ailleurs, tu sens que Snyder vraiment veut mettre en œuvre sa vision, parce que, par exemple, parenthèse qui va durer 30 secondes, ressort bientôt un nouveau remaster de Batman v Superman, où Snyder a encore... Donc, a revu un peu son film et notamment revoit le format de l'image qui est plus dans la lignée de ce qu'on voit avec sa version de sa Justice League. Et ça vient donner une cohérence. Et donc, tu vois bien que Snyder veut vraiment remontrer sa cohérence et peut-être Warner aussi capitaliser. J'en sais rien, même si on peut avoir des doutes. Et d'ailleurs, oui, le format de l'image peut en dérouter plus d'un. Moi, il m'a dérouté au début, mais en fait, le format de l'image colle très bien à Justice League, mais c'est clairement pas dans les standards habituels. Mais ça prouve que le mec avait que Snyder avait une réelle vision sur le film. Mais ma dernière remarque, ce sera comme aller dans ton sens, c'est les conséquences que peut avoir une musique ou une autre sur une scène. Tu as cette scène où tu as quand ils sont dans le silo à mi-film, tu as cette course au ralenti où Flash pose le doigt sur la pointe du carrément, ouais. De Wonder Woman. La version de... C'était Daniel Elfman, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui a repompé ses thèmes de manière très prétentieuse. C'est quelque chose de plus, plus solennel, plus orchestral. Là où t'as quelque chose d'un petit peu plus moderne sur cette version de 2021. Et je trouve que ça altère pas la scène, faut pas. Mais ça lui donne un autre cachet qui est compte. Effectivement compte. Et tu vois vraiment comment deux artistes différents peuvent orienter différemment une même scène. C'est assez intéressant. Eh bien, très bien. Merci pour cet échange. Ça ne me donne toujours pas envie de voir le film, mais... mais très bien. Par contre, quelque chose que j'ai démarré, j'ai encore pas eu le temps de terminer, c'est The Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. Anthony, tu l'as sans doute terminé, toi. Est-ce que ça vaut le coup ? Bof. je dirais qu'elle a pour elle d'être suffisamment courte pour que tu puisses aller au bout. Ouais. Maintenant, je trouve que le vrai bon point quand tu démarres, c'est que c'est assez valorisant d'avoir tout vu ce qu'il y a avant. T'as pas un prologue de 10 minutes, parce qu'il aurait fallu au moins 10 minutes. T'as pas, ou ne serait-ce qu'un épisode dédié à un résumé. Tu démarres dedans, c'est-à-dire qu'il faut avoir vu... First Avenger, il faut avoir vu le Winter Soldier, Captain 2, il faut avoir vu au moins Endgame et Infinity War. Donc c'est assez, tu as ta récompense. Il peut fonctionner comme une récompense du spectateur fidèle. Après, je trouve que ça met en scène des choses qui étaient déjà prégnantes dès Winter Soldier. C'est-à-dire que tu avais les trois Captain America dans le même film, qui à l'époque étaient ennemis, amis, collègues. Bon, ils n'avaient pas encore ce statut d'égalité pour partager le bouclier, mais ça se sentait déjà. Ça se sentait déjà, enfin, je vais pas le dire, mais on sait à peu près qui va récupérer le bouclier. Je vais pas le dévoiler, mais bon, c'est assez évident. Malgré tout, sur 6 épisodes, je vais essayer de pas trop spoiler. Le scénario est assez simple, pourtant relativement confus. tu as du mal à percevoir véritablement les enjeux civils, parce qu'il est question souvent de civils avec ce GRC qui est l'organisation post-retour, post-retour du claquement de doigts. En fait, essaye de gérer les personnes qui ont disparu, qui sont restées, qui ont pendant 5 ans vécu, alors que les autres non. Donc, est-ce que ça, c'était intéressant, et pourtant, je ne sais pas si c'est ou trop survolé, ou trop silencieux, ou trop masqué, mais tu as du mal à saisir vraiment du bout des doigts ce qui en est. C'est aussi une série qui va traiter jusqu'à la toute fin de l'héritage du super soldat. Bon, moi j'aime bien ce pan-là de Marvel, donc ça m'a plu. Maintenant, le Faucon a au moins des scènes pour lui. Comme c'est un personnage qui, en termes de capacité, est un peu différent, enfin même assez différent de Steve et de Bucky, qui sont des personnages terrestres, lui peut s'envoler, revenir, utiliser un bouclier, l'envoyer en l'air, le récupérer. Il a son compagnon électronique, donc Red Wing. C'est assez intéressant pour la mise en scène, ça change un peu. Donc ça, c'est cool. Et le personnage de John Walker, bon, qui, je pense, là où tu en es, est encore Captain America, mais il y a assez peu de surprises sur l'identité qu'il va récupérer à la fin. Oui, je crois que j'en suis à la fin du troisième épisode. Donc oui, effectivement, c'est le Captain. Oui, c'est ça. Donc là, c'est Captain America. Bon, le personnage s'appelle John Walker, donc il y a peu de surprises sur ce qui va arriver à la fin. Du moins sur le vêtement qu'il va avoir à la fin, sans trop en dire. C'est ce personnage qu'on voit de plus en plus, faillible, corruptible, en diront trop humain. Par défaut, c'est le meilleur personnage, parce que c'est celui qui a le plus de facettes. Moi, j'ai pas trouvé la série ni très survoltée, ni très impliquée, ni... C'est lisse. C'est lisse comme pouvait l'être le MCU, et ça a parfois de bonnes scènes d'action, comme pouvait l'avoir le MCU. Donc, okay. Je pense que c'est réussi, puisque c'est dans la continuité sur 6 heures de ce qu'il faisait en 2. Il n'a même pas l'impression que les personnages existent plus. C'est assez étrange. Donc, c'est mitigé. Ok. Très bien. Eh bien, voilà qui m'encourage à regarder ça en faisant autre chose. Je l'ai vu aussi, la série. C'est vrai que ça passe juste après Vendavision. Donc clairement, c'est pas du tout la même chose. Là où Vendavision, vraiment, il y avait un parti pris qui était assez, assez dingue, en fait, sur énormément de choses. Là, on est vraiment dans du plus classique à la sauce MCU, quoi. Il y a des choses intéressantes, parce qu'il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'on n'aurait sans doute pas vues dans les films. Il y a quand même des thématiques qui sont assez prégnantes. Maintenant, ça laisse un goût différent par rapport à, par exemple, Vendavision. J'ai aimé parce que je trouve que ça a permis, dans une moindre mesure, hein, ça n'a pas forcément été bien fait d'approfondir certains personnages, et notamment Falcon et Bucky, où tu vois quand même qu'il y a un aspect qui n'avait jamais été traité jusqu'au bout sur les conséquences de Bucky en Winter Soldier. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et puis, tu as Falcon. Moi, je trouve que... Anthony Mackie est excellent, je trouve, en Falcon. J'aime beaucoup cet acteur. Et tu as eu des évolutions. Après, tu as des choses qui sont moins bien réussies. Les scènes d'action sont très bien. Et tu as des thématiques qui sont quand même abordées, parce que toutes les choses autour du GRC, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Pas forcément bien exécuté, mais assez intéressant dans l'idée. Je suis assez dubitatif sur... on ne va pas se mêler, mais sur Sharon Carter. Ça me laisse un brin dubitatif, même si je pense que ça doit sûrement annoncer une autre série qui va arriver prochainement. À mon avis, ils installent aussi cette toile de fond-là. C'est pas une mauvaise série, qu'on soit clair. Franchement, ça se regarde. Et c'est pas ouf non plus. Après, effectivement, c'est clairement pour les personnes qui suivent le MCU depuis le départ. Hein. Tu peux clairement pas commencer le MCU en regardant cette série-là, hein, parce que sinon tu piges absolument pas le contexte. C'est dans la continuité, c'est dans une nouvelle phase qui s'amorce. C'est pas mauvais. Moi, je trouve que l'exemple de Falcon et Winter Soldier, c'est aussi un exemple en quoi il y a aussi un intérêt pour Marvel d'aller sur des séries de ce format-là. Ça leur permet quand même de faire des choses plus intéressantes et d'approfondir davantage leur univers, du coup, qui est maintenant plus cinématographique, mais leur univers, comment j'allais dire ça, enfin le MCU, quoi. Si je pouvais rajouter une remarque, la série est assez généreuse dans les clins d'œil, dans ses petites références. Bon, après, est-ce que ça c'est une raison suffisante pour aller voir? Je pense pas. Néanmoins, voilà, ça ose Madripoor, ça ose le statut de, enfin le personne, l'alter ego qu'a Sharon Carter. Je sais pas trop ce qui va en être dans la suite, mais l'identité est intéressante. T'as le petit-fils d'Isaiah Bradley, pareil. Alors bon, si on fait un peu de prospective, là on voit très très loin, parce que l'acteur est incapable d'être celui qu'il est censé devenir, pour l'instant, je pense. Et t'as une belle référence dans l'épisode 1 à un Steve Rogers, Sentinelle sur la Lune, une belle référence comique, ça m'a bien plu. Maintenant, la série est généreuse dans la continuité, mais assez inoffensive. Ok, très bien. Eh bien, nous verrons les prochaines séries, puisque je crois que c'est Loki qui prend la suite. Ouais, c'est ça. Dans pas très longtemps, d'ailleurs. Nous verrons. On va tourner la page des adaptations, on va passer aux comics à nouveau, et on va passer à la VO avec toi, Boris, pour quelques news avant de passer au dur des chroniques. Je vais faire vite. Quelques petites annonces pour le mois d'août. Spider-Man Live Story, qu'on a beaucoup aimé, va s'offrir un petit annual par Chibzdarsky, toujours. Donc, bon, on ira jeter un œil, hein, voir ce que ça apporte à cette mini-série. Valiant. Oui, c'est ça, mais je sais pas. Bon. Retrouve un petit peu d'énergie, d'envie. Il y a une nouvelle série Ninja qui va sortir par Jeff Parker et Javier Pulido. Donc, au niveau graphique, déjà, ce sera sympa. Après, à voir si son style s'adapte au personnage. Je crois qu'il y a une nouvelle série Harbinger aussi qui va sortir. Et puis, il y a Exo Manoir qui a redémarré il n'y a pas très longtemps. Donc, bon, à voir si l'éditeur retrouve un nouveau souffle pour nous emballer, parce qu'il nous avait bien régalé quand même à sa reprise en 2012. Et puis là, depuis quelques mois, quelques années, c'était quand même assez fade. Donc, bon, à voir. Mais voilà, des nouvelles séries, des relances qui peuvent être intéressantes. Chew aussi de John Lehman, c'est-à-dire la nouvelle série, revient pour un deuxième arc en juillet. Donc là, moi, j'avais bien aimé le premier arc, qui d'ailleurs va sortir en VF chez Delcourt à l'automne. Donc je vais reprendre. C'était une bonne petite série, bien dans l'esprit de la série initiale, et qui était franchement sympa. Une nouveauté, là, c'est tout frais, ou quasiment, c'est The Me You Love in the Dark, de Scotty Young et Uriel Corona. Donc c'est ceux qui ont fait Middle West. J'avais plutôt aimé, le scénario était un petit peu en dents de scie, mais graphiquement, Uriel Corona et le coloriste Jean-François Beaulieu, ça déchire la rétine. Hein. Donc j'en attends au moins graphiquement beaucoup. Et là, le scénario a l'air un peu plus sombre. C'est un peu une histoire, un peu un mélange de fantastique et d'horreur. On va voir ce que ça donne, mais je pense que le dessinateur et le coloriste peuvent se faire plaisir dessus. Après, Scotty Young, faut voir. Des fois, c'est pas mal, des fois, c'est un peu moins sympa. Donc, on verra ce que ça donne, mais ça se tente. Ensuite, en août, chez Image, j'ai dégoté une petite série qui, là aussi, au niveau des rétines, devrait nous régaler. C'est Echolands de J.H. William III. Et je ne me souviens plus de son prénom, c'est William Hadden. C'est ceux qui avaient repris Batwoman après Greg Rucka. Donc ceux qui l'ont lu voient un peu ce que ça donne en termes graphiques. Hein. C'est, le monsieur doit mettre un mois pour faire une page à peu près. Donc je pense qu'il devrait être sympa. Après, le thème est autour de la magie, donc là aussi à voir si c'est sympa ou pas au niveau de l'histoire. Mais rien qu'au niveau du dessin, déjà on peut aller jeter un œil. Et puis, dernière chose que je viens de découvrir, c'est, enfin, depuis quelques jours, la série Silver Coin de Michael Walsh, qui a démarré il y a 2 mois. Série anthologique horrifique où lui s'occupe des dessins et les scénaristes passent le bébé d'épisode en épisode avec un petit fil rouge, on va dire, qui était prévu au départ comme une mini-série, passe en ongoing. Et rajoute des scénaristes, donc là ont été annoncés Joshua Williamson, Ram V, donc ça c'est cool. Puis après Matthew Rosenberg et Vita Ayala, là on verra, on va dire. On verra comment ça se déroule. Est-ce que ça aurait été peut-être pas plus mal en mini-série avec que du gros scénariste, bien sympa, ou est-ce que ça, le fait que ça continue déjà, ça veut dire qu'il y a un certain succès quand même, pour les premiers épisodes, donc ça c'est bien. Et puis ensuite on verra si la qualité perdure ou pas. Voilà pour les petites news C'est que des sorties, hein, donc, mais c'est des trucs qui peuvent intéresser. Exactement. On va attaquer les chroniques cette fois-ci. Et c'est toi, Clément, qui ouvre le bal, avec qui date de quelques mois. Tu nous donnais ton ressenti sur deux titres Future State autour du Chevalier Noir, parce que tu vas parler de Dark Detective, le Dark Detective de Mariko Tamaki, je crois, et le Next Batman de John Reed. Oui. Pour rappel, Future State préfigure normalement ce qui va se passer dans un futur relativement proche, donc va conditionner en fait les prochaines histoires de l'univers de DC, donc dans la continuité d'Infinite Frontier. Je l'ai lu depuis un moment, donc je me souviens plus exactement de toutes les histoires, parce que de mémoire, il y avait quand même plusieurs histoires dans un même ouvrage. Donc là, je vais vous donner mon ressenti global sur Dark Detective et Next Batman. J'ai bien aimé. Alors, j'ai en mémoire qu'il y a des histoires qui valaient un peu moins le coup. En revanche, je trouve que c'était très beau hein, à lire, et ça posait bien le cadre futur. Et je trouve que ça annonce vraiment quelque chose d'intéressant, pour en tout cas ce qui va se passer pour Batman. J'avais peur que ça soit, honnêtement, quand j'ai commencé à lire le Future State, j'avais un peu peur que ça soit assez artificiel. Je me dis, bon, c'est un événement parmi tant d'autres, et voilà, c'est comme peut le faire parfois DC Comics. Et en fait, pas du tout, non, ça annonce des choses très intéressantes. Il va manifestement avoir des grosses prises de risque, enfin, des grosses, j'exagère peut-être, mais des prises de risque, une tentative de DC Comics innover un peu du point de vue des personnages. Je pense notamment au Next Batman, hein, puisque ce que laisse présager, d'ailleurs les deux, d'ailleurs Next Batman et Dark Detective, c'est quand même un changement de statu quo par rapport notamment à la situation de Bruce Wayne. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je peux pas comparer parce que je me souviens que Mathieu t'avait dit que on commençait à entrevoir des choses dans les notamment la série principale de Batman. Comme je suis complètement à la bourre, je peux pas te dire, mais. Alors, je l'ai pas dit ici, je l'ai dit effectivement ailleurs. Tu l'avais dit ailleurs, ouais. Mais effectivement, dans Peacekeeper, dans Batman 108, on nous dévoile l'identité du Peacekeeper One. D'accord. Donc, c'est très prometteur. J'avais trouvé ça très prometteur et c'était vraiment, vraiment pas mal. Et en tout cas, par rapport à d'autres titres Future State que j'avais lus, sans le nommer, par exemple, la Légion des super-héros, c'était bien. Franchement, c'était pas mal du tout. Très bien. Donc, effectivement, des impacts sur la continuité ont lieu, hein, puisque Next Batman se passe en 2025. Enfin, ça commence en 2025, ça se déroule après en 2027. Donc, on a un avenir plus ou moins proche quoi, qui est là et qui commence déjà à se mettre en place avec notamment l'identité de celui qui va devenir le Peacekeeper numéro 1 qui a été révélé dans Batman 108. Donc je ne sais pas à quel rythme ça va avancer vers cette direction. Est-ce que ça va avancer jusqu'au bout dans cette direction ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, quelques trucs se mettent en place, ouais, clairement. Boris, tu vas nous parler maintenant de Department of Truth. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, mais ça se trouve non, puisque tu as peut-être parlé la dernière fois de cette série. Mais... Oui, je crois. Je ne sais plus, à force. Je me mélange moi-même. Donc c'est le numéro... Ouais, c'est le numéro 7. Le 6, c'était dessiné par Elsa Chartier. Je crois que j'en ai parlé, mais je ne suis pas sûr. Okay. C'était très bien. Voilà. J'en aurais parlé, au cas où. Donc c'est James Stanford. Toujours. Donc ça fait partie du petit diptyque, on va dire, intermédiaire entre deux arcs dessinés par Martin Simons. Donc le précédent par Elsa Chartier, celui-ci par Tyler Boss, colorisé par Roman Titoff, et lettré par Aditya Bidikar, comme d'habitude. Alors c'est un épisode de one-shot qui aura peut-être des conséquences sur l'ensemble, mais qui se tient tout seul, hein. Donc, c'est toujours Lee Harvey Oswald qui, au sein du Department of Truth, rencontre un individu qui vient lui parler d'OVNI. Et donc, on va voir un petit peu son histoire. Il va nous raconter comment il est rentré en contact, on va dire, plus ou moins avec ses extraterrestres et ce genre de choses. Et donc, ça forme un épisode tout à fait sympa, bien écrit, avec une vraie petite intrigue, un vrai petit suspense, et puis voilà, mélange de fantastique un petit peu et de polar, J'ai bien aimé, c'est vraiment sympa, ça fait un bon épisode de transition avant le redémarrage du nouvel arc. Au niveau dessin, j'aime beaucoup aussi ce que fait Tyler Boss. Je me demande si je ne l'avais pas déjà vu sur une autre série, mais je n'ai pas réussi à retrouver. C'est un petit peu dans l'esprit d'Elsa Chartier, avec un dessin quand même moins rond, moins cartoony, mais au niveau de l'ambiance et puis les couleurs que rajoute Roman Titov, ça y a une certaine continuité, on va dire, avec le travail fait dans le numéro 6. Donc ça, c'est pas désagréable. Donc un bon épisode qui fait pas tâche du tout dans l'esprit de la série et l'ambiance depuis le début. Et puis dans un genre différent graphiquement, mais qui maintient un niveau de qualité graphique assez agréable. Donc voilà, très, très sympa pour continuer la série. Ok, bon, je suis en retard évidemment sur la série, mais ça semble confirmer que Tyrion Ford est très en forme en ce moment. Petite perspective vers l'avenir, ne ratez pas The Nice House on the Lake, qui sort dans 2 semaines, je crois, au VO, que j'ai lu, qui est un excellent démarrage de série. Encore différent de ce que Tyrion Ford écrit jusque-là. Enfin voilà, il a encore réussi à trouver quelque chose de différent, avec une mise en place très très intéressante et un final qui renverse un peu la table et qui annonce, qui annonce une belle série avec Alvaro Martinez au dessin. Ouais. Ne le ratez pas celui-là, ne le ratez pas. Ce sera dans le Black Label de DC, je crois que c'est dans 2 semaines. C'est prévu, ouais, ça devrait pas tarder. Ouais. Oui, c'est bien, bien tentant ce petit. Petite série là. Ouais, ben le contenu confirme, vraiment. Parfait. On continue avec The Spider's Shadow. Je vais peut-être commencer du coup sur celle-ci. The Spider's Shadow, c'est Chip Zdarsky qui revient pour un nouveau What If autour de Spider-Man. Il nous avait proposé Life Story il y a quelques temps avec Et si Peter Parker avait vieilli en temps réel par rapport aux années de publication. Et là, du coup, Chip Zdarsky se pose la question, et si Peter Parker avait conservé le costume noir du symbiote? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il va nous dérouler ça sur, je crois, 4 épisodes de tête. Je ne suis pas sûr que ce soit bien 4. Je crois qu'il y en a eu un. Il y en a eu un à rajouter entre-temps, ça. Alors, c'est ça sûr. Ça sera peut-être 5 du coup. Donc, ouais. C'était peut-être prévu en 4, du coup, ça sera 5. Les 2 premiers sont sortis, tu n'as lu que le premier, j'ai lu, j'ai lu le deuxième tout à l'heure avant de commencer. Si Peter avait conservé le costume noir, on se doute bien que les choses seraient un peu parties en vrille et que le gentil voisin Spider-Man ne serait peut-être plus la gentille araignée du voisinage. Donc, clairement, c'est ce qu'on semble vouloir nous dire dans ce numéro 1, qui m'avait bien plu, mais que j'avais trouvé un peu convenu par rapport à ce qui avait pu être Life Story, qui était vraiment très original, très enlevé. J'avais trouvé ce numéro 1 de Spider Shadow, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Boris, mais assez convenu, assez évident, quoi. Quand on nous dit « et si Peter avait gardé le costume noir », on se doute, quoi. On se doute que c'est ce qu'on nous présente dans le numéro 1 qui se passe, et on se dit « si c'est comme ça pendant 4 ou 5 numéros, bon, ça va être un peu facile, quoi. » Je sais pas toi. Ouais, j'avais trouvé ça sympathique, parce que en fait, je l'ai lu après avoir entendu ou lu quelques critiques plutôt négatives, donc je m'attendais à un truc pas très bon. Que Zdarsky, j'aime beaucoup, mais il a aussi fait quelques petits faux pas, on va dire, sur X-Men Fantastic Four, par exemple, qui était assez, assez mauvais, de mon point de vue. Je suis parti avec un a priori plutôt négatif, en fait. Et au final, je me suis pas ennuyé à la lecture. Faut être honnête, on s'ennuie pas. C'est sympa. Effectivement, il n'y a pas de surprise, en fait. C'est pas mal écrit. Il y a quelques scènes, l'état d'esprit de Peter Parker un peu partagé entre ce nouveau costume qui lui donne quand même plus de pouvoir, une force particulière, mais aussi qui le domine un peu et le rend méchant, on va dire, et donc le conduit peut-être à commettre des actes qu'il n'aurait pas commis avec son costume classique. Ça, j'ai trouvé que ces passages-là étaient plutôt pas mal écrits. Maintenant, on n'est pas surpris par l'histoire. Après, c'est un premier épisode, peut-être que voilà, c'est de la mise en place. Mais effectivement, on n'est pas du niveau de. Bon, après, on n'est pas obligé de comparer, mais on n'est pas du niveau du précédent What If qu'il avait fait, Spider-Man Life Story. Après, effectivement, si ça ne monte pas en qualité, étant donné que j'ai pas lu le 2 pour l'instant, ça restera relativement anecdotique quand même. Hein. Il faut être clair. Bon, lecture sympathique, mais quand avait été annoncé cette mini-série, ce What If là, j'étais chaud bouillant, et on va dire que bon, bah là, voilà, c'est une lecture comme une autre qui sort pas des sentiers battus. Donc à voir, toi qui as lu le 2, tu vas peut-être en dire un mot supplémentaire. Le 2 continue à la direction. Le 2 continue à la direction du numéro 1. Le numéro 1 se conclut par quelque chose qu'on attendait de voir, enfin qui semblait évident qu'il allait finir par arriver. Bah, le numéro 2 continue, quoi, cette montée en puissance et cette direction qui est prise à la fin du premier. Le seul truc qui m'a un peu accroché, qui m'a un peu plu, c'est que Zdarsky m'a réussi à me déranger. Ça m'a dérangé de voir ça, de voir ce que j'ai vu dans ce numéro 2 se dérouler avec autant d'implacabilité, de froideur, tout ça. Enfin voilà, peut-être que c'est ce qu'il veut faire. Peut-être qu'au final, il veut pas renverser la table et il va nous raconter l'histoire qu'on s'attend tous à voir, je pense. Mais qui peut-être mettre une espèce d'atmosphère et une certaine façon de le raconter qui fait que on est un peu bousculé quand même. On est un peu. Moi j'étais dérangé de voir. Parce que c'est Peter Parker, parce que c'est Spider-Man, parce qu'on sait tous ce qu'est Spider-Man, quelles sont ses valeurs, qui il est, etc. Et de le voir agir comme il agit dans ce numéro 2, ça marque malgré tout. De là à en faire un excellent numéro et à remonter complètement la pente du numéro 1, non. Ouais. Mais voilà, il y a ce petit sentiment. Okay. Il y a ce petit sentiment que Zdarsky réussit à créer, en tout cas qu'il a réussi à créer chez moi. Je ne sais pas si ça sera pareil chez toi et chez les autres, mais qui me fait dire que du coup, c'était quand même un peu meilleur. D'accord. Ouais, un petit mot sur la partie graphique aussi, qui n'est pas exceptionnelle quand même. Je pense que non, ça joue un petit peu aussi. Qui fait le job. J'y vois la volonté d'avoir un style pas trop moderne. Mais ça manque. Ça manque un peu d'originalité, je trouve. Ça manque de patte, quand même. Hein. Graphiquement, je pense que le parti pris, c'est de s'inscrire dans la continuité de l'époque où Peter avait trouvé son costume noir et de se dire, bon, graphiquement, c'est un peu entre deux temps, quoi. C'est un peu entre deux époques. Bon, c'est un part. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé ça gênant ou quoi. Je suis passé assez facilement. Oui, non, c'est pas mauvais. C'est pas horrible comme on a pu avoir sur certaines séries... À certains moments, mais voilà, ça manque un peu de personnalité, je trouve. Même au niveau de la colorisation, pourtant c'est Matt Hollingsworth, et au dessin c'était Pasquale Ferri que je connais pas. Mais même au niveau de la colo, je sais pas. Peut-être que j'attendais autre chose. Peut-être. Mais voilà. Okay. Donc bon, je verrai pour ma part. Oui, le 2. Est-ce que ça va te créer ce sentiment ou pas ? C'est assez intéressant de voir. En tout cas, numéro 3-4, je suis curieux maintenant de voir jusqu'où ça va aller, cette histoire. Clément, tu vas nous... Alors, sans aucune transition, on reste juste chez Marvel, mais tu vas nous parler Star Wars, avec la série High Republic, qui va débouler en VF. Qui a déboulé, ça y est. Donc, on va vous parler des trois premiers épisodes de cette série. Oui, alors, pour resituer quand même, parce que Star Wars High Republic, c'est quand même un événement, on va dire ça dans l'univers de Star Wars, c'est-à-dire que là, on aborde une période qui n'a jamais été traitée par l'univers étendu. Et donc, ça y est, Star Wars, la Haute République, a débuté en comics. Donc, ça fait suite au premier roman de l'univers étendu qui s'appelle La Lumière, en VF, La Lumière des Jedi. Et donc, c'est vraiment une suite. C'est-à-dire, si en gros, vous n'avez pas lu le roman, vous risquez de clairement vous faire spoiler la suite. Enfin, ce qui se passe dans le roman. Et donc, si vous voulez commencer dans de meilleures conditions, il faut mieux avoir lu le roman pour débuter. Donc là, la série, effectivement, vient de sortir. C'est pas Panini Comics. Ils ont sorti les deux premiers numéros du premier arc qui se compose de 5 numéros. Panini a d'ailleurs sort en format dur, en hardcover pour les deux premiers numéros. C'est assez, je crois qu'ils ont innové. C'est sensiblement le même prix qu'en VO. Il y a environ, je crois, il doit avoir en gros 1 € d'écart. De toute manière, le premier numéro, vous ne pourrez plus le trouver, ou en tout cas plus le trouver à des prix décents, puisqu'il est épuisé. Et donc, le scénariste est donc Kevin Scott. Donc, si je ne m'abuse, il me semble que Kevin Scott est à l'origine justement du roman qui a lancé High Republic. Et au dessin, on a Hario Anindito. Donc, je ne connaissais pas du tout ces auteurs. Graphiquement, c'est très beau. Franchement, je trouve ça... j'ai beaucoup aimé la patte graphique. Il y a vraiment, ça change de ce qu'on peut connaître habituellement, que ce soit avec l'infâme dernière trilogie, que ce soit avec la prélogie. Donc, la Haute République, je le rappelle, c'est en gros 200 ans avant la menace fantôme. Donc, graphiquement, c'est bien. Et scénaristiquement, c'est dans la continuité. Et les trois premiers numéros, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas. Alors. Pour être honnête, je ne me souviens plus exactement de ce qui se passe dans les trois premiers numéros. Mais j'ai surtout pas envie de toute façon de vous spoiler parce que vraiment, moi, j'apprécie de découvrir vraiment tout ce pan de l'univers Star Wars. Et ça donne des choses très sympas parce qu'on est vraiment dans une autre époque. Je tiens à souligner qu'on voit Yoda bien plus jeune. Donc ça, c'est très cool. Et on a des personnages qui sont très intéressants. Donc on suit. Essentiellement, donc, le nouveau maître Jedi qui est bien, bien, bien pété. Abba Chris, je crois, de mémoire, le nom. Il est possible que je me plante du nom. Et on suit également un maître Jedi et un Padawan. Et donc, ça donne lieu, donc, ils vont sur une planète dont j'ai aussi oublié le nom. Et en toile de fond, quand même, il semblerait quand même qu'on ait un brin de côté obscur. Parce que. Dans le contexte de la Haute République, le côté obscur n'est réputé ne plus exister, on n'en entend pas parler. Et donc, voilà, il y a une toile de fond qui est très intéressante, pour le coup, parce qu'on sent que le côté obscur est là, mais qu'il n'est pas trop là non plus. Enfin, ça donne des situations qui sont assez intéressantes. Et puis, voilà, c'est le premier comic Star Wars que je lis, pour le coup, vraiment en VO. Et commencer par la Haute République, c'est assez fun. Donc, il y a ce titre-là, donc c'est le titre principal chez Marvel. Et je crois qu'il y a un autre titre qui est. Plus destination jeunesse, il me semble, du côté de Boom Studio, peut-être? IDW. IDW. Voilà. Non, les trois premiers numéros, vraiment, sont très cool, très fun. Ça pose bien l'univers, ou en tout cas, ça pose bien les fondations de la Haute République, et ça motive vraiment à lire. Je conseillerais pour ceux qui veulent lire, quand même, de lire le roman, qui est assez dense, mais qui est vraiment cool. Bon, je l'ai lu en anglais, donc il y a des choses que j'ai pas forcément. Tout s'est dit, mais c'est le premier roman est excellent. Le deuxième roman, l'univers étendu hors jeunesse, est sorti il y a quelques mois en VF, donc par Claudia Black qui avait déjà mis et établi des romans de très bonne facture. Non, je trouve que vraiment, Marvel et Lucasfilm en général, puisque c'est forcément piloté par Lucasfilm, je trouve que c'est un très très bon démarrage pour la Haute République et ça annonce vraiment des choses intéressantes. Puis surtout que c'est du cross-média, ça va autant porter sur les comics que les romans et également sur une des futures séries, qui a été annoncée pour Star Wars. Le disciple, enfin j'ai plus le nom en tête. Donc non, vraiment très très bon début, très plaisant. Je pense que pour les fans de Star Wars qui avaient hâte aussi de lire des éléments sur la Haute République, ça ne peut que vous plaire. Mais vraiment, j'insiste, je pense que vous avez tout intérêt à lire quand même le roman La Lumière des Jedi. Grosso modo, si j'ai bien compris, si j'ai lu les critiques, en gros pour donner une idée. Il y a un mini spoil sur ce qui se passe la suite à partir du chapitre 44 du bouquin, qui est assez dense. Donc voilà. Mais non, franchement, rien à dire. Je vais continuer cette série parce que c'est de très bonne facture. Et puis ça fait du bien quand même de lire du Star Wars de qualité après ce qu'on a eu au cinéma quand même. Donc vraiment très bien. Par contre, comptez pas pour avoir le premier numéro. En first print, il est épuisé et il se trouve, je crois, il est sorti en janvier, hein, faut quand même le préciser. Je crois maintenant, tu trouves le numéro 1 au moins $80, quoi. $80 pièce, et c'est preuve de la hype aussi autour de ce projet. J'ai pas encore commencé, donc je ne compléterai pas cet avis. Mais en tout cas, les fans de Star Wars auront de quoi faire. Boris, si on parlait de Grant Morrison, après le sympathique premier numéro, Proctor Valero continue-t-il sur sa bonne lancée? Eh bien, ma foi, oui, je dirais. Tout à fait. Grant Morrison. Alors, c'est Grant Morrison et Alex Child. Alors, à l'écriture. Alors c'est vrai que Grant Morrison, il nous habitue à des trucs quand même souvent hyper développés, hyper C'est pas sûr qu'il y ait quelque alambiqués, chose. même s'il a fait des titres plus légers comme Klaus. Mais là, on ne reconnaît pas du tout. Je ne vois pas où Grant Morrison a pu intervenir. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça n'empêche en rien la qualité du titre. C'est dessiné par Naomi Frankis et colorisé par Tamara Bonvillain. Et ça va avoir une importance parce que j'adore la partie graphique. Donc, petit rappel et petit résumé très, très, très court. Ça se passe dans les années 70. On suivait un groupe d'ados, filles, garçons. Ça se dragouille, ça s'envoie des défis, ça se chambre, etc. Et puis, à un moment, les garçons disparaissent. Et là, ça commence à faire flipper tout le monde. Et on s'arrêtait un petit peu là-dessus au premier épisode. Et donc là, les filles sont interrogées. On essaie de les passer à la question pour savoir ce qu'elles ont vu, où sont passés les garçons. Et puis elles, de leur côté, elles vont essayer de mener leur enquête pour savoir ce qui s'est passé. Alors en fait, quand j'avais vu la série, je m'attendais à un truc très, très horrifique en fait. Et puis à la lecture du premier, le ton était beaucoup plus léger. Il y avait quand même pas mal d'humour, pas mal de scènes de dialogue, ce genre de choses. Et le côté horrifique apparaissait vraiment qu'à la fin. Eh bien, en fait, c'est la même chose, ce numéro 2. Je pense pas que l'horreur soit très, très, très, très présente, en fait, dans cette série. C'est plutôt une série d'ambiance un peu comme il y en a eu pas mal, des titres avec des ados qui partent à l'aventure, ce genre de choses, et à qui il arrive plein de choses. Là, c'est un peu ça, parce que les trois quarts de l'épisode, on découvre davantage les personnages féminins, par des scènes familiales, ce genre de choses, avec des dialogues assez piquants, assez drôles. Moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment finalement une série plutôt légère, pour l'instant, qui mise sur ces personnages, plutôt que sur un aspect horrifique qui arrive quand même encore un petit peu dans certaines scènes, et avec le cliffhanger aussi. Mais ça reste très léger, et finalement, c'est pas grave, parce que j'aime beaucoup. J'aime bien cette série. Je trouve que ça se lit super bien. Les dessins de Naomi Frankis et la colorisation de Tamara Bonvillain qu'on a vu sur Grand Scène Future, elle a vraiment des teintes très, très sympas, très chaudes, que j'aime beaucoup. Et puis le dessin est bien détaillé, assez rond aussi, un peu cartoony, qui est bien adapté au ton de la série. Donc finalement, c'est pas ce que j'attendais, mais je suis content quand même. Voilà un peu le résumé. Et c'est une série que je vais suivre avec plaisir. Voilà, qui est différent de ce que j'imaginais, mais qui a su me conquérir mon cœur. Voilà, c'est beau. Hein, n'est-ce je pas. Sais pas, tu as lu non, le 2 non pas encore. Non. Okay. Ni donc le 2, ni le 3 qui sont dans la pile de la honte. Ah oui, le 3, ah oui, j'avais pas vu qu'il était sorti. Oui, moi, j'ai du retard aussi sur pas mal de séries. Donc, mais franchement, non, c'est une bonne petite surprise, cette série Boom. Là, je suis bien content. Ouais, voilà. Premier numéro m'avait plu. On va parler d'une autre bonne surprise qui s'appelle Home, et c'est chez Image Comics. C'est écrit par Julio Honta et c'est dessiné par Anna Visgic. J'espère ne pas écorcher son nom. Tout commence par une déclaration du président des États-Unis qui annonce que l'immigration illégale en provenance de la frontière du Sud, donc frontière avec le Mexique, c'est terminé et que désormais tout immigrant de manière illégale sur le sol américain sera arrêté, séparé de son enfant, etc., dans le but de protéger les citoyens américains de ces trafiquants de drogue, tueurs et violeurs que sont la plupart des immigrés illégaux. Le cadre est posé. Volontairement, le ton et le discours présidentiel est fait pour nous évoquer la précédente administration. C'est dit dans le propos après le bouquin. Voilà, on vise clairement la politique de Trump en matière d'immigration quand on écrit ce démarrage de série. Et puis derrière, on nous présente une jeune mère, Mercedes, et son fils Juan, qui viennent du Guatemala et qui passent cette frontière du Mexique et qui, évidemment, sont arrêtés, sont placés dans un camp de détention. Tout ce qui nous est annoncé par le discours du président va finalement avoir lieu. On se doute que le petit Juan va être séparé de sa mère à un moment ou à un autre, que ça va être assez terrible à vivre. Et voilà, c'est ce qui finira. Enfin, voilà, c'est pas un spoiler, c'est ce qui finira sans doute par arriver. Ils vont finir par être séparés, ce jeune garçon et sa mère. C'est un numéro d'introduction qui nous présente surtout Juan plus que Mercedes. C'est bien écrit. On réussit à nous les installer suffisamment rapidement et suffisamment efficacement pour qu'on soit touché, qu'on soit affecté par ce qui va leur arriver. Et puis arrive cette dernière scène où finalement on se rend compte que bah, peut-être on va nous raconter une histoire qui n'est pas celle qu'on croyait. Il y a un élément qui va arriver à la fin de ce numéro qui nous fait dire « Ah, ok, bon, on s'attendait à quelque chose de très politique, très humain, très social, très réaliste. » Et voilà, il y a ce twist de fin, cette dernière séquence qui part dans une direction. Alors, je ne sais pas comment ça va être traité, ça va être développé par la suite, etc. Mais ok. Intriguant, très bien écrit et très intriguant de par cette scène de fin. Donc ce sera en 5 chapitres de tête, qui sont tous déjà programmés pour les mois à venir. Le numéro 2 arrive ou vient d'arriver, je ne sais pas. Et moi ça m'a bien plu, c'est un peu passé sous le radar ce home, et franchement c'est bien, bien écrit. Tu n'en avais jamais entendu parler, j'imagine, toi Boris qui suis pourtant la VO. Si, j'avais vu la cover, j'avais feuilleté, j'avais vu les premiers visuels et j'avais pas accroché au niveau dessin. Donc, puis je lis tellement de choses qu'il faut faire un tri, hein, on est d'accord. Mais là, tu me tentes bien et ça, c'est pas gentil. Tu vois. Désolé. Mais on est d'accord pour faire. Il y a un moment ou un autre qu'il faut. Bah oui. Il faut faire un tri. Mais bon. Je verrai en TP peut-être. Peut-être. Quand ce sera fini et que tu auras tout lu. Oui, peut-être que ce numéro 1 qui est bien écrit, qui introduit des personnages attachants et qui se termine par cette fameuse dernière scène. Voilà, c'est peut-être de la poudre aux yeux, hein, ça serait pas la première fois. Hein. Donc, faut effectivement attendre de voir quelques numéros. On enchaîne avec toi, Boris, pour The Autumnal. Et on en est déjà au numéro 6, alors que mon Dieu, je n'ai toujours pas terminé le numéro 1. Parce que tu l'as commencé mais pas terminé. Oui, bah oui, ah ouais. je commence, c'était un soir très tard, je commence à piquer du nez et j'ai préféré m'arrêter plutôt que de gâcher cette lecture. Donc tu as vu comme c'est beau. Oui. Hein, quand même, c'est beau. Oui. Alors, c'est écrit par Daniel Krauss, dessiné par Chris Sheehan et colorisé par Jason Wardy. Donc on en arrive au 6, enfin il y a le 7 qui sort là, et c'est en 8. Voilà, donc c'est bientôt fini. Je rappelle un petit peu, c'est l'histoire d'une femme et de sa fille qui se rendent dans la région natale d'origine de la maman, puisque sa mère, elle, donc la grand-mère de la petite fille, est décédée, et donc elles se rendent, même si leur relation était compliquée, elles se rendent à ses obsèques. Et là, elles découvrent un village, une ambiance plutôt hostile à sa personne en raison du passé de sa mère et de ses influences. Et elle va creuser un petit peu, elle va décider quand même de s'installer dans la maison de sa mère et se dire que y a pas de raison qu'on la chasse. Et donc elle va creuser un petit peu, se renseigner pourquoi sa mère n'était pas aimée. Et petit à petit, il va y avoir une histoire de sorcière ancienne, ce genre de choses, voilà, quelque chose d'un petit peu horrifique. Assez classique dans sa conception, mais c'est surtout la forme et l'avancée de l'histoire et les personnages qui font que ça fonctionne particulièrement bien. Donc là, dans ce nouvel épisode numéro 6, là, ça avance sérieusement, puisque toute cette légende autour de la sorcière va avoir une influence, puisque la sorcière, il y aurait un lien avec les enfants, on va dire, et donc, elle ayant une petite fille, voilà, il va y avoir quelque chose de particulier. J'en révèle pas plus si tu l'as pas lu, mm-hmm. Mathieu. C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi beau. Franchement, au niveau des dessins, la combinaison du dessin fin et assez précis de Christiane et la colorisation de Jason Wardy qui rend des teintes liées tout à fait au titre de la série. Hein. C'est des teintes rouges, jaunes, qui font percevoir tout à fait cet esprit automnal. Franchement, c'est sublime. Moi, j'adore. Ça donne vraiment une identité à la série et c'est superbe à regarder. Et puis, en termes d'histoire, alors, c'est une série qui prend son temps. Hein. Il ne se passe pas 10 000 choses du début à la fin ou dans un épisode, mais ça construit petit à petit l'intrigue, le suspense, et puis les relations entre les personnages. On s'attache très rapidement aux deux héroïnes, et puis petit à petit on les découvre, et c'est vraiment, vraiment sympa. Je pense qu'on va voir comment on se termine dans les deux derniers épisodes, mais franchement, c'est un de mes coups de cœur de ces derniers mois. C'est vraiment une série excellente. C'est chez Volt, qui nous produit quand même pas mal de bonnes petites séries. Alors sans doute depuis longtemps, mais pour moi récemment, parce que je lisais pas de séries chez eux auparavant. Et ça va sortir en VF chez 404 Comics à l'automne. Donc pour ceux qui nous écouteraient encore et qui lisent que de la VF, ce sera à choper sur vos étals de libraires. Et pour ceux qui lisent la VO, ça peut encore se rattraper. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Si vous aimez ce genre de série, c'est une petite pépite, comme on dit. Je conseille fortement. Voilà bien. Ok. Nous allons faire rapido pour les dernières, parce qu'on arrive déjà bientôt à 1h30. Nous avons une prochaine session qui sera programmée. Les deux épisodes 311, 312 seront assez rapprochés. Donc on va accélérer, on va faire... plus rapide sur les dernières. Clément, tu vas nous enchaîner tes deux derniers titres qui sont le dernier numéro de Guide on Falls et un avis sur la série Commanders in Crisis. Les deux titres sont chez Image. Oui. Vas-y. Le final issue date, je crois, de décembre. Donc, on a attendu un peu. C'est un numéro très dense. Dans la continuité de ce qu'on a eu le droit durant tout le long de la série, qui a commencé quand même, je crois, en 2017. Je vais faire simple. À mon sens, ça a fini en apothéose. Franchement, je trouve que le dernier arc a été magistral de la part de Lemire et de Santino. C'était génial et je pense vraiment que cette série en fait mérite d'être relue en intégralité parce qu'on a allé dans Lemire est parti dans des éléments auxquels on ne pouvait pas croire au début. Donc brillantissime, en tout cas pour la partie graphique. On peut évidemment critiquer sur le scénario, mais c'est du très, très, très, très bon. L'émir et le numéro final en est un exemple que Guide and Falls est sans doute une de ces séries, à mon sens, les plus abouties. Donc vraiment, moi, j'ai adoré et graphiquement, ça a été une tuerie, mais monumentale, quoi. Hyper dense et du très bon. Et alors, Commanders in Crisis, donc de Steve Orlando, donc là, c'est pas achevé. Hein. C'est une série en 12 numéros. On doit être là à 8 numéros. Je suis un peu à la bourre aussi. Il y a un réel concept derrière la série. Vraiment, Orlando peut poser un truc, notamment sur l'idée qu'il n'y a plus d'empathie. Mais ça part dans tous les sens. J'ai un peu du mal à piger vraiment toute la série et tout. Ils tentent des trucs. Hein. Graphiquement, c'est très beau. Il n'y a pas à dire. Mais ça part dans tous les sens. Je pense qu'il faudrait que je relise la série en totalité parce que ça me laisse... je vais la terminer parce que voilà, je suis quand même à plus de la moitié de la série. Ça serait con de ne pas la terminer, mais ça part dans tous les sens. J'ai lu des reviews extérieures où apparemment la série est appréciée. Moi, ça me laisse dubitatif. J'avais dit que le premier numéro était... J'avais pas trop compris le délire. C'est un peu plus calme sur les autres, mais... Ouais, non, c'est très particulier. Franchement, je suis assez indécis. Je pense que je pourrais donner un avis définitif quand la série se sera terminée. Donc, à voir. J'ai commencé, j'en ai eu que 3 épisodes pour le moment. Et j'aime le parti pris de, dès le premier épisode, nous mettre dans un univers qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui a déjà beaucoup vécu. C'est comme si on nous posait une histoire à la fin d'une crisis de l'univers DC et que on te balance là. Sans rien te donner, on te présente pas les personnages, machin, on prend le parti de te dire, tu vas faire connaissance avec eux dans l'action et puis on va pas perdre de temps à installer. Et moi j'ai aimé ça. Et il faut s'accrocher, premier épisode, il faut s'accrocher pour accepter cette idée que on va pas te prendre par la main, on te plonge dans le truc et à toi de t'accrocher, de prendre des informations quand on veut bien t'en lâcher une ou deux. Pour reconstituer un peu le fil et tout ça. Et l'histoire en général, j'aime bien. Donc, je suis, pour le moment, sur 3 numéros, les 3 premiers numéros m'ont bien plu, franchement. Ça décontenance. Ouais, ça décontenance, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça, peut-être, que je suis assez dubitatif. Mais après, c'est vrai que tu découvres les personnages et qu'au fur et à mesure, t'as des liens qui se créent entre les personnages, tu découvres des choses. Donc, c'est quand même intéressant. Mais il faut le voir sous cet angle. Effectivement, c'est osé. C'est très osé. Ça prend un rebours de ce qui se fait habituellement. Donc, mais le contexte de l'histoire est très intéressant. Encore une fois, ça décontenance, mais le contexte de l'histoire et le concept même, en fait, est assez osé. Donc, c'est pas mauvais. Hein. T'es décontenancé quand tu lis le début de cette série. Je comprends. Boris, à toi d'enchaîner et de terminer. Ouais, je vais faire vite. Pour tes chroniques du jour, et puis je conclurai cette émission. Alors, c'est I Walk With Monsters, numéro 5. Paul Cornell au scénario, Sally Cantirino au dessin et Dear Black Ellie coloriste. Donc je suis cette série depuis le début, j'en ai déjà parlé quand même régulièrement, soit à l'écrit, soit à l'oral. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est associée avec un homme légèrement bourru qui a un pouvoir particulier de se transformer en loup-garou. Voilà un petit peu le postulat de base, et qui la jeune fille a été victime de violence dans sa jeunesse, de harcèlement, on ne sait pas trop, et notamment son frère qui a disparu, et donc elle serait à la recherche de son frère. J'avais trouvé depuis le début que ça manquait un petit peu de densité à chaque épisode, notamment les premiers. Je trouvais que c'était un petit peu mieux la suite. Celui-ci retombe un petit peu dans ce travers, c'est que il se passe pas grand-chose, quoi. C'est vrai que l'histoire se concentre sur les personnages, mais finalement ne les développe pas tant que ça, on va dire. Et l'intrigue de recherche, d'enquête, reste un petit peu au point mort. Donc un petit, enfin, je vais pas dire déçu, si, un petit peu déçu quand même. J'ai pas été, je l'ai lu, mais je suis pas sorti totalement emballé. Il reste un seul épisode, on va bien voir comment ça se termine. Je pense que c'est quand même une série qui mérite de se lire en collecté à la suite, parce que épisode par épisode, c'est un peu léger, quoi. Ça se lit très vite. Après, ça reste assez joli au niveau des dessins, j'apprécie toujours. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur de The Autumnal, par exemple. On est nettement en dessous. Ça reste une série sympathique. À voir comment ça va se conclure. Peut-être que ça va relever un petit peu mon opinion. Je ferai un petit bilan quand ce sera fini. Mm-hmm. Voilà bien. Très bien, très bien. Et puis je vais terminer en vous disant tout l'amour que j'ai eu pour le 24e numéro d'Ice Cream Man. On ne vous représente pas la série Ice Cream Man. Vous avez eu droit à une émission spéciale sur cette série. Et on en a parlé maintes et maintes fois. Mais le 24, on l'a attendu longtemps. Hein. Il était annoncé pour le mois de février. Il devait sortir le 24 février. Il est finalement arrivé là, il y a 2 semaines. Et part du principe de nous raconter un téléthon à la sauce Ice Cream Man. Donc cette fois, la récolte de fonds se fait pour sauver la vie de Jerry. Donc c'est The Save Jerry's Life Fund. Donc un fonds qu'on tente de récolter pour sauver la vie de Jerry. Jerry qui est ce personnage que l'on suit en parallèle du téléthon. Et on va s'apercevoir qu'en fait sa vie n'est qu'un gigantesque Truman Show, en quelque sorte, puisqu'il est à son insu la star de ce téléthon, sans le savoir. Enfin voilà, c'est vraiment le concept du Truman Show qui est repris. Il y a quelques clins d'œil, notamment au Pinky Ring qu'on a vu déjà maintenant plusieurs fois dans l'univers d'Ice Cream Man, qui apparaît aussi à un moment ou un autre. Et puis on va suivre ce téléthon et cette vie de merde de Jerry, et puis cette récolte qu'on fait pour essayer d'améliorer sa vie et peut-être même de lui sauver. Et puis tout part en vrille au moment où le quatrième mur est brisé. Et où Maxwell Prince, enfin en tout cas le personnage principal, le narrateur, nous demande à nous, lecteurs, de faire un choix. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et en fonction du choix qu'on va faire, forcément, notre expérience de lecture va être impactée et ça va tout changer. Le choix qu'on va faire va tout changer. Et du coup, je ne vous dis pas quel est ce choix, je ne vous dis pas quand est-ce qu'il intervient, etc. Mais voilà, il y a un moment où vous, lecteurs, dans ce numéro-là, vous allez être impliqués. C'était encore pas, je crois, arrivé dans Ice Cream Man, cette façon de casser le quatrième mur et de nous s'adresser directement à nous et de nous impliquer au point de nous faire choisir quelque chose d'important ou pas, vous verrez. Mais voilà, je n'ai pas souvenir de ça, Boris. Non, non plus, ouais. Voilà. Non, non. Mais effectivement, je l'ai chroniqué sur le site à l'écrit. C'est génial. Tu l'as lu aussi? Ouais, je l'ai lu. D'accord. Je serais curieux du coup qu'on échange en off sur le choix que tu as fait et voir le choix que moi j'ai fait. Parce que tu es d'accord que selon le choix qu'on fait, c'est hyper impactant sur l'expérience. Je sais pas, oui. je suis pas sûr de saisir forcément ce que tu... Je vois bien de quoi tu parles, effectivement. Après le choix... Parce qu'on a un choix, On va pas être plus cryptique que ça dans l'émission. Non, non. On va laisser les gens lire ce numéro 24 d'Ice Cream Man. On en parlera en off. Mais voilà, moi j'ai été secoué encore une fois par cet épisode. Oui, puis c'est très noir. Hein, très... Ouais, c'est très cynique. Voilà, très cynique. Mais c'est réjouissant, on va dire. Hein, ça... ouais. Ah ouais. Mais effectivement, encore un excellent épisode. Ouais. Ouais, ouais. Franchement, rien à dire. J'espère ne pas attendre autant de temps pour le suivant parce qu'on se rend compte que ça avait manqué. Ouais, donc ça ira au moins jusqu'au 28, ça c'est sûr maintenant. Est-ce que ça va continuer après, on verra. Mais déjà on a gagné 4 épisodes par rapport au... Ce qui était prévu, oui. ce qui était prévu. Puis on peut dire qu'une telle série a duré aussi longtemps, c'est quand même assez génial. C'est une petite performance, clairement. Clairement. Et bien voilà pour ce 311e épisode de Comic Stories. On va se retrouver assez rapidement, je vous le disais, il y a quelques minutes, pour un 312, parce que nous n'en avons pas terminé avec vous, nous n'avons pas terminé toutes les chroniques que nous avions prévu de faire. Il nous reste une jolie liste de choses dont on souhaite vous parler, donc on le fera assez rapidement dans un numéro 312. Il sera là encore assez chargé en chroniques, puisqu'il y a énormément de bonnes choses qui sortent en ce moment, donc on a un peu envie de vous parler de tout. C'est compliqué de faire un choix des fois. Pour ceux qui voudraient encore plus, vous avez la version écrite et toutes les chroniques à l'écrit que Boris fait très régulièrement de ses lectures en VO, donc allez évidemment jeter un œil, participer au concours en partenariat avec Delcourt autour de Pulp. C'est encore possible jusqu'au mercredi 26 à 21h je crois, donc n'hésitez pas à le faire. Merci messieurs, on se retrouve donc rapido pour un numéro 312. D'ici là évidemment prenez soin de vous et bonne lecture, à bientôt. We'll be right back.